It's happening in Toronto. Listen to Suppression here on CHRY 105.5 FM. My name is Metsu, and I will be with you until the end of the hour. I will be playing some French language punk, ska, and hardcore. And I got some good stuff prepared for you today. I got some material that was suggested to me by a listener way out there in France. It's going to be a great show, so stay tuned. C'était Ayoka, la chanson Sous Contrôle, tirée de leur album État des lieux, ici à Sous Pression, l'émission de Radio Punk, Ska et Hardcore francophone. Qui diffuse à partir des ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Moi, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge, je fais jouer de la bonne musique pendant 60 minutes. C'est la meilleure façon de passer votre après-midi ou votre matin, dépendant ou votre soirée, dépendant où vous êtes dans le monde, parce que vous pouvez nous écouter en direct à partir en ligne, à partir du chrgrec.fm. Ou sinon, si vous nous écoutez à partir du site web de l'émission Sous Pression, souspression.wordpress.com, on met les émissions en ligne à chaque semaine. Ben, je vous dis bienvenue et merci d'avoir écouté. Je continue la musique avec La Gâchette, une chanson de série de leur plus récent album, l'album À travers le temps. Chanson, c'est le sixième morceau de l'album, ça s'appelle Ta gueule. Mais j'ai une bonne émission préparée pour vous cette semaine. J'ai du matériel par un groupe que je viens de tout juste de découvrir. En fait, un auditeur qui m'a envoyé un courriel, Damien, il m'a envoyé un courriel, m'a suggéré le groupe français qui s'appelle Désert Culturel. C'est un groupe un de hardcore mélodique qui me fait penser, dans un courriel, j'ai parlé de ça, j'ai dit que ça me faisait penser au groupe américain The Press, mais en écoutant une couple de fois, ça me fait vraiment penser, je pense, beaucoup au groupe, le groupe britannique The Internationalists. Si vous ne connaissez pas, c'est un excellent groupe. Et si vous les connaissez, vous les aimez, je pense que vous allez aimer des arts culturels et vice-versa. Si vous aimez des arts culturels, vous ne connaissez pas The Internationalists, je pense que vous allez aimer ça. Mais en tout cas, je vais jouer ça un peu plus tard dans l'émission. Mais là, je continue avec La Gâchette, la chanson Ta gueule de l'album À travers le temps, ici à Sous pression. Avec savais qu'elle est mal tournée. Quand on a que dalle, on ne pense qu'à la maille. À part porter ma croix, qu'est-ce que tu voulais qu'il me reste à moi? Je me suis jamais senti une plupart gamin. Tout me paraissait bizarre, malheureux et égaré. Personne ne pouvait m'arrêter, tout foutre en l'air. La vie comme une pierre, j'ai foncé tête baissée. Moitié fou, moitié paumé. L'ombre du diable, mon histoire est sa femme. On m'a souvent jugé, damné, condamné. Pour moi cette démarche crève, pas de place pour tes rêves. Les murs sont tous gris, ici y a pas de paradis. Les ailes voulaient par mon feu, j'emmènerai mon flingue dans les cieux. Vous êtes de retour là, sous pression, zone du CHLY, 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter Justine, la chanson Accident numéro 7, tirée de leur album Accident numéro 7. J'aurais voulu avancer avec du Kamikaze, de leur album Feu Sacré, du Impact, avancer avec Cœur de Lion, tiré de leur hippie du même titre, et La Gâchette avec Ta Gueule, de leur plus récent album, À Travers le Temps. Alors là, je vais vous faire jouer une chanson par, comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'émission, une chanson par le groupe Désert Culturel. C'est un fidèle auditeur qui m'a envoyé un courriel pour me suggérer le groupe. Et Désert Culturel, j'en avais jamais entendu parler. C'est un groupe, je crois, de Lyon, en France, qui a vu le jour pendant les années 90. C'est un groupe qui sont vraiment bons. Je me suis procuré l'album. J'ai eu la chance de l'écouter plein de fois dans les quelques dernières journées. C'est un bon groupe, je pense. J'espère que vous allez aimer ça. C'est, comme je dis un peu plus tôt dans l'émission, ça me rappelle vraiment le son, vraiment. Ça me rappelle du groupe The Internationalists de la Bretagne. Je vous dis aussi le groupe The Press, mais en écoutant, je pense que je me suis trompé un peu, selon moi. Mais en tout cas, ça me rappelle beaucoup du groupe The Internationalists, qui était un groupe britannique qui a vu le jour, je pense, dans les années 80, qui mélangeait vraiment du punk et du reggae. Je pense peut-être un mélange entre The Redskins et The Clash, peut-être. En tout cas, Désert Culturel me fait penser à ça. Ils ont des chansons, du hardcore vraiment mélodique. Des chansons plus vite et des chansons avec une influence vraiment de reggae, de ska aussi. La chanson que je vais jouer, c'est le 9e morceau de l'album Plus d'espoir que de haine. Il s'appelle Petit Bonhomme. Ensuite, après ça, je pense que je vais vous faire jouer le groupe Amnésie. Mais c'est ça, je vais continuer avec des arts culturels ici à Sous Pression. Tu as raison, la différence est dérisoire. Je m'abstiens. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, aux ondes sèches avec Grec 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter du Gerbia, la chanson Syndrome de Stockholm, tirée de leur album Voué à l'échec. Gerbia qui fera un concert le 14 octobre à Québec, la ville de Québec, avec le groupe légendaire de hardcore canadien DOA, qui seront, apparemment, ça va être leur show d'adieu. Alors, Gerbia, la bonne chance de pouvoir jouer avec eux. Je suis certain que ça va être un excellent show. Je pourrais pas me rendre. C'est tout à fait à Québec. Mais si vous voulez plus d'informations, visitez le site web de Gerbia. Je suis certain qu'ils ont de l'info. Sinon, si vous êtes sur Facebook, faites une petite recherche pour Gerbia. Et de l'information, ça se passe le 14 octobre. 291 Saint-Vallier S au Scanner Bistro à Québec. Ça devrait être un bon show. Les billets sont apparemment 10$. Mais en tout cas, 10 à 13$. Ils me donnent deux prix ici. Je regarde la page Facebook. Là, il y a deux informations. En tout cas, avant, Gerbia, on écoutait du Amnésie, la chanson Regarde ce qui se passe, l'album Rien de neuf. Et on a commencé le dernier bloc avec du désert culturel de l'album Plus d'espoir que de haine, la chanson Petit bonhomme. Et je remercie Damien de m'avoir suggéré. Le groupe, je ne les connaissais pas, alors ça me fait bien plaisir de pouvoir les faire jouer. C'est certain que je vais en faire jouer à l'avenir, à l'émission. C'est un bon groupe. En passant, s'il y a des groupes, si vous faites partie d'un groupe et vous voulez partager votre musique, ou si vous connaissez un groupe que vous n'entendez pas aux ondes de Sous Pression, que vous pensez pourrait nous intéresser, envoyez-moi un courriel sous pression à commercial chry.fm, sous pression à commercial chry.fm. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter à partir du site web de l'émission, souspression.wordpress.com, souspression.wordpress.com. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi écouter l'émission à partir du site web. On les met en ligne en format podcast. Vous pouvez l'écouter, le télécharger comme vous voulez, et aussi voir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Sinon, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission. C'est le site facebook.com/sous-pression. Vous pouvez aimer l'émission et vous tenir un peu à jour sur ce qui se fait, vous tenir à jour sur ce qui se passe dans le monde de sous-pression et du punk, du ska, du hardcore francophone. Avant de continuer la musique, je vais faire un petit discours un peu court, mais que je pense qu'il sera important à faire. Jeudi passé, ici à Toronto, j'étais allé au concert du groupe de punk, de street punk de Boston, les Street Dogs. Les Street Dogs, je les adore. C'est un excellent groupe. Si vous ne les connaissez pas, je vous les suggère très fortement. Allez trouver ça, des chansons. Ça se trouve un peu partout sur l'Internet. Ils ont un site web. Vous pouvez trouver des clips sur YouTube, comme vous voulez. Parce que c'est un excellent groupe. Ça valait vraiment la peine. Je suis allé les voir jeudi, ici à Toronto, au Horseshoe Tavern. C'était, selon moi, quand je suis en train de les écouter, les regarder sur la scène, j'ai calculé ça, puis je me suis dit, ça fait 17 ans que je vais à des shows, des concerts de punk. Et je pense que c'est le groupe qui paraissait être le plus sincère, qui est authentique vraiment, qui appréciait, je ne vais pas vous dire que les autres groupes que j'ai vus n'appréciaient pas le public, mais les autres, ils avaient vraiment l'air d'avoir une bonne appréciation pour leur public. Ils voulaient vraiment interagir avec eux, puis c'était un excellent concert. Mais quelque chose d'autre que j'ai vu, qui s'est passé, que j'ai trouvé vraiment pas cool, et que je pense que c'est important d'en parler et de dénoncer, c'est des agressions qui se passent dans le pit contre les femmes qui viennent au concert de punk. Tu sais, il y a eu le mosh pit, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Puis il faut s'attendre d'avoir du contact physique avec d'autres gens quand on est dans le mosh pit. Puis des accidents, ça l'arrive, mais il y avait eu, à un moment, il y a eu des femmes qui ont fait des stage dives et du crowd surfing, et c'était clair qu'il y avait au moins une ou deux personnes, des gars dans la foule qui exploitaient un peu la situation pour faire des attouchements, pour toucher les seins, les fesses et tout ça des femmes. C'était vraiment pas cool. Je suis vraiment content que le chanteur des Street Dogs a pris le temps pour dénoncer du comportement comme ça, parce que ça n'a vraiment pas sa place dans la scène de punk. Ça n'a pas sa place nulle part. C'est de l'agression sexuelle et on ne devrait pas... On n'a rien à faire à tolérer ça. On ne devrait pas tolérer ça. Ça se tolère simplement pas. Alors, je veux... Je remercie le groupe Street Dogs, le chanteur, qui a pris le temps pour dénoncer ce comportement-là. Aussi, les gens dans la foule qui ont dénoncé ceux qui agressaient les femmes dans le... dans la foule. Le monde, il y a eu c'est un peu de violence, le monde se sont poussés, se sont frappés. On peut se débattre sur la question de la violence. Est-ce que la violence, c'est la solution à l'agression sexuelle? Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est un débat. Mais ce qui se débat pas, c'est que c'est inacceptable, que ça n'a vraiment pas sa place dans la scène de punk. Alors, je suis vraiment content que le chanteur des Sweet Dogs a pris le temps de dénoncer ça. Je suis vraiment content aussi qu'il y a du monde dans la foule qui a pris le temps de dénoncer ça. Avec sans et avec la violence, mais c'est important que ça se dénonce et qu'on continue à dénoncer ça et d'en parler et de dire de vraiment d'éduquer les gens pourquoi ça n'a vraiment pas sa place. La scène de punk, c'est une scène inclusive qui depuis le début avait un caractère antiraciste, antisexiste, anti-homophobe et anti-oppression, un caractère et un esprit DIY qui vraiment l'oppression et la discrimination et des agressions comme ça ont vraiment pas sa place dans la scène punk. Alors, je suis vraiment content qu'il y ait du monde qui ont pris le temps de dénoncer ça. Ça me fait de la peine que ça se passe même ces jours-ci. Ça fait combien d'années que la scène punk continue? Ça fait combien d'années que les femmes luttent contre du comportement comme ça, des attitudes de même? Et aussi les hommes qui luttent aussi de leur côté contre ça. Alors... Ça, c'est ça. Mais j'ai décidé de faire jouer la prochaine chanson, la dédier à ceux et celles qui selon eux, se disent que c'est correct. C'est correct d'avoir des comportements comme ça, d'agresser des femmes sexuellement. Alors, c'est ça. Je vais dédier la prochaine chanson par les bornes à rien, parce que je pense que ça résume vraiment ce que je pense d'eux. C'est gros cochon par les bornes à rien, ici à Sous Pression. Cris le bien fort, use tes cordes vocales. soldat, il va partir à la guerre. Toute ma famille est précaire. Au moins je peux y aller, au moins je peux crever. Je suis allergique aux armes, mais à la marche à pied. Hey! Diego Palavas, la chanson Expédition Punitive tirée de leur album du même nom. Ils ont tourné, le groupe qui a tourné un clip pour cette chanson-là, qui ils l'ont sorti la semaine passée. Vous pouvez trouver ça sur le site Facebook de Diego Palavas ou bien sur le site Facebook de Sous Pression. Je l'ai partagé la semaine passée quand ils l'ont sorti. Alors, c'est notre temps ensemble sur Malheureusement, ça fait. J'ai le temps pour une dernière chanson. Je pense que je vais vous faire jouer une chanson par The Street Kids de leur album Back in the Days. J'étais pour vous jouer une autre chanson par un autre groupe, mais le CD ne voulait pas marcher, alors j'ai juste trouvé l'album un peu au hasard, et je vais vous faire jouer le 11e morceau gravé de The Street Kids, mais je vais faire un petit retour sur les chansons qu'on a écoutées avant. Du Diego Palavas, c'était Banlieue Rouge, la chanson Olaf, du Streets of Rage avant ça avec Stay Rude, Poésie Zéro avec La Oi de nos campagnes, de leur album bleu, qui est... Poésie Zéro, qui ont fait leur dernier concert vendredi passé ou samedi passé à Paris. Et cette chanson-là, c'était une demande spéciale de Patricia qui m'a demandé de faire jouer une chanson de Poésie Zéro. Les ordures ioniques avant ça avec Mon Amant Silencieux, Jeunesse Apatride avec Hochelaga, les Brixton Cats avec Le Comptoir, et on a commencé le tout avec Les Bornariens de leur album Advienne que pourri, la chanson Gros Cochon. Et c'est ça, là, je vais vous laisser avec du Street Kids, la chanson gravée de leur album Back in the Days. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et on se revoit la semaine prochaine.